L'heure de la chronique technologie de l'information avec Raymond Poirier. Bon matin, Raymond. Bon matin. Raymond, hier, c'était une journée intéressante pour les technologies de l'information parce que le rapport Gautrain sur l'utilisation du Web 2.0 au gouvernement du Québec a été rendu public, a été déposé. Exactement. Après quand même une longue attente, enfin, on espérait voir arriver le rapport en février. Finalement, il a été repoussé. Donc, c'est en mai, c'est hier qu'on a pu voir, entendre, lire donc ce rapport qui vise, comme tu le dis, à voir de quelle manière le gouvernement peut intégrer les nouvelles technologies, le Web 2.0. Donc, toute l'idée de participation citoyenne dans un premier temps qui est sous-tendue à travers le Web 2.0. On parle de Twitter, YouTube, les échanges, toutes les plateformes, en fond, sur lesquelles les citoyens peuvent s'exprimer. Donc, de quelle manière ils pourraient être intégrés par le gouvernement. Et parallèlement, les éléments qui sont liés aussi à ce type d'échange-là. Donc, on sous-entend l'idée du gouvernement ouvert, donc de rendre accessibles certaines données pour l'ensemble de la population, pour développer des projets à partir de ces données-là. Et également, toute l'idée de la culture organisationnelle, parce qu'évidemment, si on dit au gouvernement, ben, on veut intégrer ces moyens-là, eh ben, il faut évidemment changer aussi la manière dont on fonctionne à l'interne pour pouvoir bien les intégrer. Alors, quand même beaucoup d'enjeux autour de ça. Et évidemment, il y avait beaucoup d'espoir donc de voir les conclusions de ce rapport-là de la part de certaines gens, c'est même de beaucoup de gens du milieu des nouvelles technologies. Et parallèlement, évidemment, il y a toujours espoir aussi que ce projet-là soit le plus apolitique possible, dans la mesure où c'est pas le genre de projet qui est coloré politiquement, c'est plutôt un projet qui est décrit par certaines gens du milieu comme étant tout simplement un projet nécessaire, indépendamment de la formation politique qui est au gouvernement, si ce n'est pour que le gouvernement puisse se mettre à la page. Et d'ailleurs, dans l'introduction du rapport Gautrain, on souligne notamment que, bon, en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres provinces au Canada, il y a des mesures qui ont été mises en place, il y a des projets. Donc, si le Québec veut rester à l'avant-scène au niveau technologique ou veut rester présent, mais il faut aussi faire ce virage-là. Et que parallèlement, on en parle d'ailleurs sporadiquement dans les chroniques, on sait qu'au Québec, on utilise de plus en plus les technologies, qu'on les intègre de plus en plus. Et donc, eux disent, regardez, il y a un changement face aux citoyens et citoyennes, il y a un changement face à leurs attentes quant au gouvernement, quant aux échanges et à la participation qu'ils peuvent avoir à l'intérieur des projets. Et donc, ce qui fait que non seulement, oui, d'autres pays le font déjà, mais ici, il y a des attentes très fortes pour qu'on le fasse aussi de la part des citoyens et citoyennes du Québec. Donc, le rapport de Henri-François Gautrain, qui est le député de Verdun, comportait 32 recommandations en tout, là. Ah, exactement, 32 recommandations, certaines qui sont plus au niveau de l'organisation de tout ça, mais certaines qui sont assez parlantes. Et dès le départ, en fait, le premier projet qui est mis sur la table, c'est l'idée donc du gouvernement ouvert. D'ailleurs, déjà sur Twitter notamment, à la chaîne @gouvouvertqc, donc gouvernement ouvert du Québec, on a annoncé une première adresse donc pour les données ouvertes. Et donc, la première recommandation de ce rapport-là, c'est, et je la lis, que le gouvernement divulgue progressivement et de manière proactive sur un site unique l'ensemble des données gouvernementales. Ces données devraient être disponibles dans des formats libres et compatibles avec les logiciels de traitement de données. Donc ça, c'est gros. Ça implique, dans le fond, que toute donnée non sensible puisse être rendue disponible sur le web et, évidemment, donc puisse être utilisée par des tiers parties pour, exemple, développer des applications. La Ville de Québec le fait déjà depuis quelque temps, Ottawa le fait, ça se fait aussi en Angleterre. Et donc, l'idée, c'est exemple des données statistiques, des informations qui peuvent être intéressantes, ben, doivent être rendues disponibles. Et à partir de ces données-là, ben, il y a des créateurs qui pourraient essayer d'imaginer des applications. À la Ville de Québec, par exemple, ils ont rendu public en format libre les données concernant les services de loisirs. Ça a amené des gens à développer des applications pour faciliter la recherche à l'intérieur de ces services de loisirs-là. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les intentions au niveau de l'idée du gouvernement ouvert là, sont clairement énoncées à la recommandation 4, où le rapport Gautrain dit que le premier ministre du Québec affirme dans une déclaration sa volonté d'orienter son gouvernement sur la voie du Web 2.0 et de faire de son gouvernement un gouvernement ouvert. Donc, évidemment, c'est aussi positif dans un contexte de transparence. On ne s'en cachera pas non plus. Donc, l'idée de rendre disponibles les informations, de permettre aux citoyens d'aller forer un peu là-dedans, de les utiliser. Donc, c'est vraiment aussi dans une perspective de transparence. C'est ça. Les données qui vont être disponibles, je pense, sur le portail qui... c'est le www.defi.gouv.qc.ca, c'est ça? Possible, oui. Et sinon, on fait sur Twitter la chaîne Gouvernement ouvert qui va faire un suivi d'ailleurs pour vraiment toute l'évolution de ce dossier-là. Je pense que ça va être un bon moyen pour ceux qui sont déjà sur ce réseau-là de suivre un peu l'évolution du dossier. Okay. Et les éléments, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, Jean-Manuel, c'est vraiment l'idée que il semble avoir, du moins selon les recommandations, une compréhension du fait que c'est beaucoup plus qu'un changement technologique. En fait, il y a la recommandation 20 qui est assez parlante à ce titre-là. Donc, il dit que l'administration publique québécoise amorce un véritable changement de sa culture organisationnelle en encourageant le partage d'informations, la co-création de nouvelles connaissances et une plus grande responsabilisation des employés de l'État. Donc, on semble reconnaître que c'est pas simplement des moyens technologiques qu'on met en œuvre, mais ce qu'on amorce avec l'idée d'un gouvernement ouvert, avec l'idée de l'intégration du Web 2.0 à différents degrés, bien, c'est vraiment un changement organisationnel. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, il y a l'idée donc de l'intégration des moyens technologiques, des moyens Web 2.0 vers les citoyens et citoyennes, d'encourager l'utilisation des données ouvertes aussi, notamment la 12, recommandation 12, où on suggère de développer des incitatifs pour encourager une utilisation innovatrice et créatrice des données ouvertes. Ici, j'ai l'impression qu'on fait référence, en fait, si on reste dans les expériences de Québec et d'Ottawa, à des activités comme un hackathon, où on regroupe donc des programmeurs, des férus d'informatique, et on leur donne 24 heures, 48 heures pour développer des applications en lien avec les données ouvertes. À la ville d'Ottawa, eux, ils avaient fait un concours aussi, de manière générale, ils avaient donné 8 mois, 1 an, à tous les citoyens, citoyennes intéressés de développer des applications. Il y avait un prix au bout de tout ça. Alors, des moyens comme ça qui permettent de faire connaître le fait que ces données-là sont disponibles et d'amener les gens à être le plus créatif et imaginatif possible pour développer des projets. Donc ça, en même temps, je pense qu'il y a un certain encadrement qui est intéressant là-dedans. Et si on termine sur les données ouvertes aussi, il y a quand même plusieurs recommandations qui ordonnent un peu, qui essaient d'imaginer un certain partage des disponibilités des données. Et pour le site, en fait, je retrouve l'information, Jean-Manuel, c'est données.gouv.qc.ca. Donc, pour retrouver ces données disponibles en format libre. Exact. Tantôt, je disais le www.defi.gouv.qc.ca, mais ce site-là, c'est plus pour permettre de solliciter les réactions du public pour renforcer la participation, l'élaboration, suivi à l'évaluation des services publics, est-ce que je peux lire. Donc, les données sont sur le www.données.gouv.qc.ca. Évidemment, le site Défi devient intéressant dans le contexte aussi du rapport Gautrain, dans la mesure où un autre des objectifs que eux se donnent là-dedans, c'est de favoriser l'interaction avec les citoyens et citoyennes. Donc, oui, via Twitter, Facebook ou autre, mais suggère aussi de développer justement des plateformes d'échange intra-gouvernementale, si on peut dire, pour permettre aux citoyens de faire de la rétroaction. En fait, c'est la recommandation 11, celle-là, que soit mise en place parallèlement au site de divulgation des données gouvernementales, un système de rétroaction qui permettra de mieux cibler les besoins des citoyens et ceux des entreprises. Donc, l'idée vraiment là, de créer et de renforcer le dialogue. Donc, on dit, bien, si on est plus transparent, évidemment, on peut être aussi plus participatif. Et on le disait d'entrée de jeu, donc les citoyens ont des idées, ont des perspectives, veulent être entendus, et nécessairement, avec des initiatives comme ça, ça ne peut que renforcer ça. Et d'ailleurs, la recommandation 15 va un peu en ce sens-là aussi, où on dit il faut non seulement permettre la rétroaction, mais créer des espaces de débat. Donc, les ministères et organismes, grâce aux outils du Web 2.0, conçoivent des espaces de débat autour de leurs grands projets pour permettre aux citoyens d'y participer, tant dans l'élaboration que dans la prise de décision, et que ces mécanismes fassent partie de leur déclaration de service aux citoyens. Donc, vraiment, mieux intégrer le web dans les processus de consultation, dans la prise de décision. C'est ça. Puis d'ailleurs, il va y avoir le dépôt d'une politique cadre, d'une directive qui va concerner l'utilisation des médias sociaux par les employés du gouvernement, qui va viser justement à encadrer leur utilisation. Peut-être qu'on va utiliser les médias sociaux justement pour... favoriser le débat et l'échange entre les citoyens et les membres du gouvernement. Exactement. Et en même temps aussi, toutes les questions de sécurité liées à ça, auxquelles le rapport Gautrain fait référence, dans la mesure où si on a le gouvernement sur Twitter, par exemple, ou sur Facebook ou ailleurs, ou même dans les plateformes internes, eh bien, faut aussi sensibiliser les fonctionnaires qui vont utiliser cette plateforme-là au rôle qu'ils vont avoir, parce que ils vont parler au nom du gouvernement, ils vont devenir porte-parole du gouvernement. Et évidemment, donc, dans ce sens-là, il y a une formation à faire aussi, il y a une prise de conscience à faire. Et l'idée de formation aussi revient beaucoup dans les recommandations où ils disent, ben regardez, oui, on veut intégrer le Web 2.0, mais il faut aussi expliquer aux fonctionnaires comment ça fonctionne. Et non seulement il faut prendre le temps de leur expliquer comment ça fonctionne, mais il faut aussi développer des plateformes similaires à l'interne, parce que eux disent les nouvelles technologies vont permettre de simplifier la gestion d'un gouvernement à l'autre, d'une direction à l'autre, d'un organisme à l'autre. Donc peut simplifier la gestion, peut permettre d'éviter la gestion en silo dans le fond. Et donc eux proposent, ça c'est la recommandation 18. La création d'un réseau social interne, ni plus ni moins, donc soit améliorer l'intranet gouvernemental pour y inclure un outil de collaboration de type réseau social qui permet des fonctionnalités comme le partage de documents, la stimulation de brassage d'idées, la bonification de l'information, les interactions entre les employés de la fonction publique, donc de vraiment profiter de ce changement-là. On parlait tout à l'heure d'un changement de culture organisationnelle, mais je pense que là, c'est là des points clés, parce que dans le fond, on dit profitons de cette opportunité-là pour bonifier la façon dont on gère à l'interne au gouvernement, et évidemment, on peut espérer, en tant que citoyen, citoyenne, mais que tout ça simplifie aussi la gestion de l'appareil gouvernemental, là, toujours à l'interne. Parfait. Donc, pour conclure, Raymond, c'est vraiment un virage que va prendre le gouvernement, là. Exactement. En fait, c'est un virage annoncé. Évidemment, il y a toujours la question de voir comment ça sera intégré, avec quel délai. Je voyais, pour les données ouvertes à tout le moins, qu'on parlait d'un horizon d'un an là, pour qu'un peu tout le monde puisse intégrer cette plateforme-là. Ce sera intéressant de voir aussi de quelle manière, justement, les recommandations quant à la participation citoyenne, quant à la collaboration entre gouvernements vont être intégrées. Donc, je pense que c'est un bon coup de départ. La question, c'est de voir justement de quelle manière le gouvernement va faire ses développements et faire son intégration à partir de cette première série de recommandations. Bon, merci beaucoup, Raymond, d'avoir fait le tour de ce rapport pour nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.